Livre quatrième. C'est ici en quelque sorte la vie patriarcale de mon père. Je vais le considérer comme père de famille, comme juge, comme chef d'une paroisse, qui, par son gouvernement, ressemble en beaucoup de choses aux anciennes républiques. Léonard d'Ondaine, neveu de Thomas, simple paysan, et qui jamais n'avait entendu parler ni de César, ni même des Romains, avait coutume de dire « Il vaut mieux être le premier du Vaudupuy que le dernier de Paris. Le premier d'un endroit est toujours un homme respectable par sa place. Et il ne convient qu'à des sots de ville, les pires de tous, et à des brutaux sans principe de le mépriser. » La petite paroisse de Sacy ayant des communes, elle se gouverne comme une grande famille. Tout s'y décide à la pluralité des voix, dans des assemblées qui se tiennent sur la place publique, les dimanches et fêtes, au sortir de la messe, et qui sont indiquées par le son de la grosse cloche. C'est à ces assemblées qu'elle nomme les syndics, dont les fonctions ressemblent assez à celles des consuls chez les Romains. Les collecteurs pour les tailles, ces gardes-finages pour la sûreté des terres sans semencer et des vignes, enfin les prêtres publics. Le président, né de ces assemblées, est l'homme du seigneur. Le procureur fiscal y expose les sujets à traiter. Mais chaque particulier a droit de dénoncer les abus qui sont à sa connaissance, ou de proposer les choses utiles qu'il a imaginées. On traite de ces objets sur le champ. Et s'ils sont de quelque conséquence, on envoie les syndics aux subdélégués de l'intendance, pour se faire autoriser. C'est encore dans ces assemblées qu'on assigne chaque année le canton que chacun doit couper dans les bois communs. On tire au sort, à l'exception du pasteur, du chef, quand ce dernier est habitant, et des deux syndics auxquels on insigne nommément les cantons les plus fourdis. Mais, depuis la mort de mon père, le juge ni aucun officier de la justice ne sont plus du village. Ce sont des hommes de Vermenton que l'on a cru plus éclairés. Qu'il me soit permis de déplorer le sort d'une paroisse livrée à des gens de plumes étrangers, dont l'intérêt est d'y faire naître les divisions. Il serait 100 fois moins dangereux que les paysans eux-mêmes fussent revêtus de ces charges, dont on les croit incapables. Ils connaissent parfaitement, comme faisait mon père, les moyens les uns des autres, et un procès est complètement instruit avant que les procureurs des partis aient parlé. Il est impossible qu'ils en imposent sur rien à un juge du pays. Mais je m'arrête, et cette quérimonie, comme on disait anciennement, ne me servira que de transition, pour amener la manière dont Edmer rendait la justice. Ils connaissaient et les moyens des partis et leur manière de penser, et les motifs qui les déterminaient. C'était d'après cette connaissance qu'il cherchait toujours à les concilier. Il y employait tous ses efforts. Mais lorsqu'il n'y pouvait réussir, il laissait agir la loi, et la suivait ponctuellement. Aucun motif particulier ne le déterminait, que les formes observées, unies au bon droit. Aussi, aucune de ses sentences, durant le cours d'une longue magistrature, n'ont-elles été infirmées. Ou si elles l'ont été au bailliage d'Auxerre, il a eu la satisfaction de voir les arrêts du Parlement confirmer le bien jugé de la première sentence. Ce succès, jamais démenti, lui concilia singulièrement le respect et la confiance, non seulement de ses cohabitants, mais encore de tous ceux des bourgs circonvoisins. Il ne donnait rien à la pitié comme juge, c'était autre chose comme particulier. Un jeune procureur, fils de son neveu le procureur fiscal, et depuis avocat célèbre dans une cour souveraine, plaidait les causes avec beaucoup de pathétique, lorsque le sujet s'y prêtait, chargé de celle d'un pauvre habitant qu'un riche bourgeois de Crovan dépouillait d'un héritage. Il excita la sensibilité de l'auditoire, et le juge lui-même ne put retenir quelques larmes. Cependant, le pauvre perdit sa cause avec dépens. Le Richard présentait un titre valable, et le pauvre avait, disait-il, perdu le sien, lors de l'incendie dont j'ai parlé. Au sortir de l'audience, le juge invita l'étranger à dîner. Il y fit trouver le vénérable pasteur, messire Antoine Foudria, le procureur fiscal, et le jeune défenseur qui avait succombé. Edmer était persuadé dans le fond de son âme que le pauvre habitant avait raison. On dîna, mais à la fin du repas, le pauvre qui avait perdu fut averti et vint se présenter, afin d'obtenir quelques répits pour les dépenses, qui n'étaient pas considérables. L'étranger, touché de ce qu'il voyait, refusa de recevoir ceux qui le concernaient, et en donna quittance. On renvoya le pauvre homme. Dès qu'il fut sorti, le juge pria l'étranger, qui avait gagné, de lui donner un moment d'entretien particulier. et lui exposa ses doutes sur la légitimité de son triomphe, avec tant de force qu'il l'ébranla. Mais cet héritage l'accommodait, et cette raison seule l'empêcha d'être juste. Il partit. Le pasteur, le juge et le procureur fiscal, de concert, résolurent d'acheter à leurs dépenses un petit héritage à vendre, voisin d'un champ du pauvre homme, et de le lui donner pour le dédommager. Ils exécutèrent ce plan sur l'heure, le juge étant notaire, et l'on envoya dire au pauvre homme de venir signer l'acte, sans lui expliquer de qui lui venait cette libéralité. De sorte qu'il crut que celui qui avait été capable de lui remettre les dépenses avait aussi fait ce bel acte de générosité. Dans cette idée, le pauvre alla dès le lendemain, plein de reconnaissance, remercier le bourgeois de Crevant, portant un petit présent de gibier et de volaille. L'homme riche, surpris de ce qu'il apprenait, déclara qu'il n'avait aucune part à l'acquisition. Mais entrevoyant la source d'où elle venait, il écrivit sur le champ à son métayer de Sacy de mettre le pauvre homme en possession d'un champ de pareille contenance au sien, à son choix dans toutes les terres qu'il faisait valoir. Ce qui fut exécuté, le pauvre homme eut deux champs au lieu d'un, et devint l'ami et le protégé de sa partie adverse, qui dans la suite l'a constamment obligé. On sent que dans les grandes villes, il n'est pas possible qu'on ait ainsi des juges qui connaissent tous les particuliers, mais c'est un avantage que nous osons supplier les seigneurs de paroisse de procurer aux campagnes. Moins de lumière et plus de probité, c'est ce qui sera d'une grande utilité dans ces premières juridictions. D'ailleurs, le juge et son procureur fiscal, étant dans l'endroit, ils ont l'œil sur tout, et les abus sont ou prévenus ou aussitôt réprimés. Je reviens à la suite du trait que je rapportais. Lorsque tout fut terminé, on complimenta le jeune orateur, et le père, à cette occasion, félicita son fils d'être en cela l'imitateur d'Edmond R. Il cita un plaidoyer de son oncle lorsqu'il n'était que procureur, et que maître Bojvzat, son prédécesseur, siégeait encore. La cause était celle d'une mère qui plaidait contre ses enfants pour être maintenue dans la jouissance entière du bien de feu son mari, la demande n'étant pas juste. Mais Edmé R., dans l'intention de faire rentrer ses enfants en eux-mêmes et de les toucher, se chargea de la cause et prépara un discours sur ce que les enfants doivent à leur mère. Il parlait de cœur, comme on peut l'imaginer, lui qui était si bon fils et qui agissait alors avec sa bonne mère, précisément comme cette veuve désirait que ses enfants en agissent avec elle. Il fit d'abord une peinture touchante de la tendresse de cette mère pour ses deux fils et sa fille dans leur enfance. Il représenta quelles peines elles avaient essuyées pour les élever, après la perte qu'elle avait faite de son mari. Comme elle avait travaillé la nuit et le jour, ce qui était à la connaissance de tout le monde, comme elle s'était privée du nécessaire pour qu'il n'en manquasse pas, il en cita des exemples connus, qui firent fondre en larmes l'auditoire, en même temps qu'ils excitaient son admiration. Le juge touché, ne pouvant se contenir sur son tribunal, s'écria « Oh là, oh là, maître R., vous tendez des pièges à la justice, et le droit est pour les enfants, si la nature et la raison sont pour la mère. » « Le droit et la nature et la raison, » répartit trop vivement le jeune procureur. Le juge lui imposa silence. « Permettez-moi, monsieur, lui dit Edmé R., avant que vous prononciez de m'adresser à présent à ces enfants, durs, il faut le dire, et que je tâche de les émouvoir pour une si tendre mère, courbée sous le fardeau des ans, qui leur demande dans la force de leur âge, au nom de la vie qu'elle leur a donnée, de quoi soutenir la sienne. Elle ne veut que du pain, ses larmes l'arroseront, s'il le lui donne trop dur. » Ce mot, beaucoup plus touchant et plus énergique pour des paysans que les gens des villes, ne peuvent se le figurer, excita les sanglots de toute l'assemblée. Les enfants seuls avaient les yeux secs. « Vous avez gagné votre procès, » s'écria Edmé R. « Vous l'emportez sur une mère. Triste et malheureuse victoire, mais au nom de l'humanité, pour votre intérêt, n'en abusez pas. Ne réduisez pas au désespoir cet infortuné qui vous a tant aimé. » Et la prenant par la main et la faisant avancer, « Que faut-il qu'elle fasse? Doit-elle vous demander grâce? Et l'obtiendra-t-elle de vous ?» Les voyant toujours insensibles, « Infortunés, s'écria-t-il, ce sont des tigres et non des hommes que vous avez portés dans votre sein, et ils le déchirent aujourd'hui. Venez, venez, je vous servirai de fils. Et vous, malheureux, tremblez, tremblez, mais ne redoutez pourtant pas la malédiction maternelle, trop tendre encore. Votre mère vénérable vous bénit du mouvement de ses lèvres, mais la vengeance n'en sera que plus terrible. » je vois d'ici le ciel vengeur, qui la remet dans les mains de vos enfants. » Il prononça ces derniers mots avec tant de véhémence que l'auditoire poussa un cri de frayeur. Les inflexibles enfants furent enfin ébranlés. Ils vinrent embrasser leur mère et se désistèrent sur le barreau de toutes leurs demandes, promettant et s'engageant formellement devant leurs concitoyens de laisser leur mère en tranquille et paisible jouissance de tout, tant qu'elle vivait. Edmé R., un peu remis de son excès d'enthousiasme, fit des excuses au juge, à l'assemblée, et même aux enfants, pour la fin de son discours, qui la voit être trop forte. Mais le juge l'embrassa, l'assemblée applaudit, et les enfants eux-mêmes le remercièrent. Edmé R. s'approcha ensuite de l'oreille du juge et lui dit en présence du procureur fiscal, du greffier et des autres officiers seulement « Monsieur, j'ai défendu sciemment une cause que je devais perdre. Je dois les dépenser à quelque chose qu'il se monte, adressez-moi l'exécutoire, sans que cette pauvre famille en entende parler. Ça était mon dessein, dès le premier instant où cette pauvre mère est venue s'adresser à moi. » Tel fut le récit que fit le procureur fiscal de cette belle action de son oncle. Le pasteur le loua. Le jeune procureur se félicita de marcher de loin sur ses traces. Le respectable Edmé R. larmoyait d'attendrissement. Ce trait lui rappelait son honorable père et sa bonne mère, et c'était pour eux que coulaient ses larmes. « Mes enfants, dit Antoine Foudriat, à la petite famille qui était présente, aimez votre père et votre mère, et vous aurez toutes les vertus. Vous aimerez Dieu et le prochain, ce qui est toute la loi, comme dit Jésus. Aimez et vénérez votre père, car vous avez en lui le modèle et l'exemple de la conduite d'un honnête homme. J'ai passé légèrement sur deux qualités de mon père, celle de chef de sa communauté et celle de juge. Ces titres, tout importants qu'ils sont, aux yeux du bon citoyen, sont moins intéressants et moins généreux que celui de père de famille. C'est en cette dernière qualité qu'Edmé R. fut peut-être le premier homme de son siècle. Qu'on permette cette expression à un fils qui est l'historien de son père. Cependant, j'espère que le lecteur, lorsqu'il aura suivi le détail des faits que j'ai à lui présenter, partagera mon enthousiasme, ou tout au moins l'excusera, et le trouvera légitime. Mes concitoyens, c'est le tableau d'une vertu de tous les jours que je vais vous offrir, d'une vertu facile, aimable, et qui est le seul fondement solide du bonheur pour cette vie, et de la réputation qu'on laisse après sa mort. Après avoir réprimé l'anarchie, qui voulait s'introduire dans sa première famille, Edmé R. se vit heureux, au sein de la nouvelle. Ses travaux lui avaient procuré une sorte d'aisance. Il jouissait d'une considération méritée. Ses enfants, aînés, filles et garçons, se portaient au bien. Enfin, il était chéri, respecté de son épouse, comme Pierre l'avait été d'Anna Simon. Tous les soirs à souper, qui était le seul repas où toute la famille pouvait être réunie, il se voyait comme un patriarche vénérable, à la tête d'une maison nombreuse, car on était ordinairement 22 à table, y compris les garçons de charrue et les vignerons, qui, en hiver, étaient batteurs, le bouvier, le berger et deux servantes, dont l'une suivait les vignerons, et l'autre avait le gouvernement des vaches et de la laiterie. Tout cela était assis à la même table. Le père de famille au bout du côté du feu, sa femme à côté de lui, apportait des plats à servir, car c'était elle seule qui se mêlait de la cuisine. Les servantes qui avaient travaillé tout le jour étaient assises et mangeaient tranquillement. Ensuite, les enfants de la maison, suivant leur âge, qui seuls réglaient leur rang, puis le plus ancien des garçons de charrue et ses camarades, ensuite les vignerons, après lesquels venaient le bouvier et le berger. Enfin, les deux servantes formaient la clôture. Elles étaient au bord de la table, en face de leur maîtresse, à laquelle elles ne pouvaient dérober aucun de leurs mouvements. Tout le monde mangeait le même pain. La distinction odieuse du pain blanc et du pain bis n'avait pas lieu dans cette maison. D'ailleurs, ce n'aurait pas été une économie. Le son un peu gras étant nécessaire aux chevaux, aux vaches laitières, aux porcs qu'on engraissait, et même aux brebis, lorsqu'elles avaient à gueuler. Pour le vin, comme le père de famille en usait peu, et qu'il n'en avait pris l'usage que fort tard, il n'en buvait que de vieux. La mère de famille ne buvait que de l'eau, que son mari n'avait pas eu peu de peine à l'engager à rougir seulement par une idée de vin. Les enfants buvaient tous de l'eau, sans exception. Les garçons de charrue et les vignerons buvaient un vin qui leur était beaucoup plus agréable que celui du maître, ne leur aurait paru. C'était le vin de pressurage, passé sur un râpé de râle de raisin. Tout le monde sait que les paysans aiment un vin qui gratte le grosdier, et ce goût général est considérablement renforcé à Sassy, où l'espèce humaine est d'une grossièreté et d'une massivité qui a peu d'exemples même en Allemagne. Germain, le premier garçon de charrue, avait l'air véritablement tudesque. C'était un gros homme, dont la face, sans être grasse, était haute et large d'un demi-pied. Il avait l'air d'une force incroyable, et malgré cela, on voyait répandue sur sa physionomie une certaine bonté qui rassurait, et qui faisait que les enfants même le recherchaient pour jouer avec lui. Après le maître et la maîtresse, c'était Germain qui était le plus respecté. Les autres domestiques ne faisaient rien sans prendre son avis, et il le donnait toujours sans avoir l'air de commander. C'était un excellent garçon. Heureuse les maisons où il y a de pareils serviteurs, heureux les bons domestiques qui trouvent des maîtres capables de les bien apprécier. Le bouvier et le berger, qui étaient ordinairement des jeunes gens, portaient respect aux garçons de charrue et aux vignerons. Les deux servantes se montraient obligeantes envers eux tous, et leur maîtresse les avait chargées de raccommoder le linge et les hardes des hommes. Ces filles avaient en outre des temps fixes où elles pouvaient travailler pour elles-mêmes. Il n'avait pas été possible à une mère de mettre un certain ordre dans la journée pour les prières, ni même pour les repas. Les devoirs des différentes personnes à gage étaient absolument différents. Il n'y avait que le déjeuner à 5 heures du matin où ils fussent à peu près tous réunis, car en été, le bouvier et le berger étaient déjà partis pour les pâturages. On faisait une courte prière en commun, composée de l'oraison dominicale seulement. Ensuite, on se préparait pour ne se rejoindre tous ensemble que le soir. Mais alors, personne ne manquait. C'était donc après le souper que le père de famille faisait une lecture de l'Écriture sainte. Il commençait par la Genèse, et lisait avec onction 3 ou 4 chapitres selon leur longueur, les accompagnant de quelques observations courtes et peu fréquentes, mais qu'il jugeait absolument nécessaires. Je ne saurais me rappeler sans attendrissement avec quelle attention cette lecture était écoutée. Comme elle communiquait à toute la nombreuse famille un ton de bonhomie et de fraternité, dans la famille je comprends les domestiques, mon père commençait toujours par ces mots. « Recueillons-nous, mes enfants, c'est l'Esprit Saint qui va parler. » Le lendemain, pendant le travail, la lecture du soir précédent faisait le sujet de l'entretien, entre les garçons de charrue surtout. Il faut à cette occasion que je fasse une observation, qu'on a déjà vue dans l'école des pères. C'est que la charrue donne des mœurs plus innocentes que la culture de la vigne, quoique celle-ci soit très pénible, que les bouviers sont inférieurs de ce côté-là aux vignerons, et que les bergers ont encore moins de candeur et d'innocence que les bouviers. Après la lecture suivait en été une courte prière en commun. On faisait ensuite réciter aux jeunes gens une leçon de catéchisme du diocèse, puis on s'allait coucher en silence, car après la prière du soir, les rires et la conversation à voix haute étaient sévèrement interdits. En hiver, où les soirées sont plus longues à la campagne, car à la ville le temps est toujours le même, après la lecture et la leçon de catéchisme, le père de famille racontait des histoires, soit anciennes, soit modernes. Il y faisait entrer à propos les plus belles sentences des anciens. C'était la récréation. L'avidité était extrême pour ces récits instructifs. Et comme chacun pouvait rire et faire ses observations, c'était un amusement délicieux, pour des paysans et pour des enfants qui n'en avaient jamais connu de plus agréable. Il fallait que ces entretiens et la lecture leur plussent beaucoup. Nous avons eu souvent chez nous les fils des meilleurs habitants pour domestiques, et lorsque leurs parents leur demandaient la raison qui leur faisait désirer avec tant d'ardeur d'entrer dans notre maison, ils n'en donnaient pas d'autre que la lecture et les entretiens du soir. Si mon père avait été capable de politique, ce n'aurait donc été une excellente que de tenir cette conduite. Quant au travail de la journée, le père de famille s'occupait lui-même avec infatigabilité, et prêchait beaucoup plus d'exemples que de paroles. Aussi n'y eut-il jamais de meilleur maître et plus chéri les gens qui le servaient. C'est que le service était réciproque, lorsque l'occasion s'en présentait. Il avait souvent à la bouche cette maxime du sage. « Si tu as un bon serviteur, qu'il te soit comme ton homme, traite-le comme s'il était ton frère. » Ecclésiastique chapitre 33. Et cet autre n'accable point un serviteur qui fait ce qu'il peut et qui emploie son âme à ton service. Idem chapitre 7. Il se levait dès le matin et conduisait lui-même une de ses charrues. Il était un parfait laboureur. Ses garçons n'avaient qu'à l'imiter, et aucun, pas même Germain, ne put se flatter de l'égaler. C'était de cette seule habileté qu'il était glorieux. On voyait un léger sourire qui se traçait sur sa figure, toujours gracieuse et douce, combien il était flatté quand on lui disait qu'il était un excellent laboureur. « C'est l'art des arts, » répondait-il quelquefois, et l'on peut être un tant soit peu vain d'y exceller. Il avait de la répugnance pour le travail de la vigne, et il ne s'occupait dans les siennes qu'aux vendanges, mais il les visitait en bon maître et se connaissait parfaitement à ce qui manquait. Ce n'était pas un défaut que cette répugnance, S'il avait eu le goût du travail de la vigne, avec ses autres occupations, le notariat, la magistrature, les consultations, les arbitrages, il aurait fallu qu'il abandonnât le labourage, qu'il chérissait par-dessus tout. On ne l'a jamais vu un seul instant inoccupé, si ce n'est les dimanches et fêtes. Encore avait-il un livre à la main en se promenant, s'il était seul, et ce livre était ou de morale ou de jurisprudence, dont il étudiait quelques passages relatifs aux causes qu'il avait à juger dans la semaine. Il disait que dans ces cas, son patricien français était un excellent livre de dévotion puisqu'il y apprenait son devoir. Il était d'un facile accès pour ses garçons, mais un peu plus sur la réserve avec ses filles, qu'il ne tutoyait jamais. Dans l'intention où il était de lier sa première famille avec la seconde, par tous les nœuds possibles, il fit les aînés, parrain et marraine, des cadets. Le digne curé de Courgis et Anne, l'aînée des filles, m'ont nommé, et ainsi de suite, jusqu'au plus jeune de tous, dont je fus parrain à mon tour, avec la plus jeune des filles du premier lit, en 1745, mon père ayant alors 53 ans. L'année suivante, la prospérité d'Edmé R., malgré la charge de 14 enfants vivants qu'il avait alors, excita l'envie d'un habitant de Sassy, collecteur des tailles. Il fit porter la cote de mon père à une taxe exorbitante. Edmé R. s'en plaignit modérément, mais on n'y eut aucun égard. Piqué trop vivement peut-être, ce sont ses propres termes, il crut devoir user du bénéfice de la loi, porté en faveur des pères de 12 enfants vivants. Il présenta une requête à M. de Brou, alors intendant, qui était à Tonnerre simplement expositif du fait, sans plainte contre personne. M. l'intendant écrivit de sa main « Edmé R., père de 14 enfants, à 6 livres », et il lui fit dire de bouche « Vous devriez ne rien payer du tout, mais comme vous avez demandé une taxe, je vous donne celle-là, qui sera la même tous les ans. Je sais d'ailleurs que vous êtes trop bon sujet du roi pour vouloir être entièrement exempt. » Quelques années après, M. Berthier de Sauvigny, ayant succédé à M. de Brou, les mêmes envieux remirent à Edmé R. son ancienne cote. Il retourna à M. l'intendant avec une requête de 3 lignes qui fut sur le champ répondue comme l'avait été celle présentée par M. de Brou. M. Berthier le fit entrer devant toute la compagnie à laquelle il voulait montrer le père de 14 enfants. Il lui parla avec affection et lui frappant sur l'épaule, il le félicita de son heureuse paternité. Pendant toute la vie de mon père, il fut taxé à 6 livres par M. l'intendant lui-même ou par M. le subdélégué. Ce trait que la vérité m'oblige de rapporter tel qu'il est arrivé surprendra peut-être de la part d'un homme qui pensait comme Edmé R. Il me sera permis d'ajouter ici les motifs de sa conduite. On le consultait pour la taxe, comme pour le traité des autres affaires publiques. Mais il se trouve toujours dans les paroisses quelques turbulents qui aiment à contrarier et à montrer qu'ils ont du pouvoir en faisant du mal. Malgré les observations d'Edmé R. et celles des plus sages habitants, il n'arrivait que trop souvent qu'on surchargeait les plus pauvres de la paroisse, soit par haine particulière, soit parce qu'on les croyait peut-être moins gênés. Edmé R. et le pasteur, messire Antoine Foudria, avaient coutume d'aider ces pauvres gens dans le secret à payer leurs cotes. Le lecteur entrevoit à présent qu'Edmé R., se trouvant lui-même surchargé, ne pouvait presque plus contribuer au soulagement des plus pauvres de ses cohabitants. Je croirais ne faire qu'imparfaitement l'histoire du mari si je ne disais rien de la conduite de la femme, puisque le père et la mère de famille ne sont qu'un individu complet.